À l'occasion du 56e anniversaire du commencement par le général Kim Jong-il de la direction de la révolution fondée sur le Sungun, les compétitions sportives des travailleurs de tout le pays sont inaugurées le 17 courant au gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés, les syndicalistes, les travailleurs de la ville et les joueurs et les entraîneurs de chaque province. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu le défilé des joueurs et le match des patterns par équipe de taekwondo. Aux compétitions sportives prévues jusqu'au 26 courant dans divers stades de la ville de Pyongyang, on disputera le football, le tir, le taekwondo et la course de haies.